好。 Bien, bonjour, je suis content d'être avec vous encore en cet automne qui commence. Plus je montais, plus je voyais les feuilles qui avaient changé de couleur. Mais vous n'êtes pas dans le plus haut, hein? Ce matin, à Mont-Tremblant, il faisait 1. Ça a presque gelé à Mont-Tremblant. C'était plus froid qu'ici, à Mont-Tremblant ce matin. Ils sont plus hauts en altitude dans ce sens-là. Bon, je suis content de monter tranquillement et de penser à vous. Je peux pas dire que je pense toujours à vous, mais je pense à vous au moins en montant. Donc, on va continuer ensemble l'étude sur le Saint-Esprit. Et je pense qu'on va en avoir encore pour les deux autres fois que je vais venir cet automne. Si je vous demandais quelle est la place dans le Nouveau Testament où est-ce que le plus grand enseignement sur le Saint-Esprit de façon suivie, pas des petits bouts, c'était là dans une épître, là, mais suivi, là, qu'un auteur ou une personne dans le Nouveau Testament parle du Saint-Esprit pendant plusieurs versets ou plusieurs... Je dis pas un mot, je vous laisse tenter votre chance. C'est pas un concours de logo, là, mais c'est un... C'est Jésus, donc ça se retrouve dans les... Évangiles, on est obligé, Jésus était des évangiles, et c'est dans l'évangile de Jean, où est-ce que chapitre 14, 15, 16 et 17, c'est un enseignement sur le Saint-Esprit. Souvent on s'en rend pas compte, souvent on voit pas tout à fait cela, parce qu'on n'est pas habitué de voir cela, mais à partir du chapitre 14, Jésus va commencer à parler de l'œuvre de l'Esprit dans les croyants. Il va le faire jusqu'à la fin du chapitre 17, où est-ce qu'il va demander à Dieu d'envoyer le Saint-Esprit dans sa prière, ce qu'on appelle sa sorte de table. Parce que quand Jésus demande à son Père, « Je veux qu'ils deviennent un, comme toi et moi nous sommes un. Je veux qu'ils soient un entre eux autres, un avec moi et un avec mon Père. » C'est la demande de la venue du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient dans les croyants, qui fait cette œuvre qu'on devient un, ensemble, parce qu'on est tous baptisés dans le même esprit, l'esprit de Dieu. Donc, on devient un avec Dieu et un avec le Père et le Fils. Unité parfaite. Donc, c'est Jésus qui en parle le plus. Donc, j'aimerais que vous tourniez dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, ceux qui veulent. Ça va être montré sur l'écran, ceux qui aiment mieux suivre sur l'écran. Et on va lire du verset 1 jusqu'au verset 17, juste pour nous donner... À ce temps que je vous ai dit qu'il parle du Saint-Esprit, vous allez voir que ça parle effectivement du Saint-Esprit parce que il y a un homme que j'écoutais cette semaine qui a demandé à l'Assemblée, la Bible nous dit que Dieu va envoyer un autre consolateur. C'est qui le premier? S'il y en a un autre, c'est parce qu'il y en a un premier. Et dans l'Assemblée, il y avait une grande partie des chrétiens qui se posaient la question, c'est qui le premier? C'est Jésus le premier consolateur. Donc, je vais vous envoyer un autre consolateur comme moi, donc qui parle de la venue du Saint-Esprit. J'aimerais que vous participiez avec la lecture. Ben non, avec le son, c'est un petit mieux que ça. Pas grave, OK. Ceux qui aimeraient lire deux versets chaque, on va lire jusqu'au verset 17. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre le Père? Réponds, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et en fera de plus grandes parce que je m'en vais pour faire. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je verrai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, ce passage est une préparation pour les disciples à comprendre la venue du Messie et qu'est-ce qu'il va faire dans les croyants. Et je vous invite, si vous voulez, dans vos temps personnels, de relire à plusieurs reprises le chapitre 14, 15, 16, 17 de Jean, en pensant en fonction du Saint-Esprit. Vous allez voir que ça va être différent dans votre approche. Comme quand vous avez été habitué, peut-être, que quand il dit « Je m'en vais, vous préparez une place, et je reviens, je vais vous prendre avec moi. Et lorsque je suis, vous serez aussi. » La plupart des croyants pensent que Jésus parle qu'il nous prépare une place dans le ciel, puis un jour on va le rejoindre là-bas. Mais c'est pas ça que le texte parle. C'est pas ça que le texte parle. Il dit « Je m'en vais, au Père, présentement, je m'en vais là. Demain, je vais être rendu là-bas, là. Je m'en vais là. Et je vais vous préparer une place. Et quand je vais l'avoir préparé, je reviens dans le deuxième consolateur, et je vous prends avec moi dans la présence du Père, et lorsque je suis, maintenant, vous êtes avec moi, dans la présence du Père. » C'est ça que le texte parle. Il ne parle pas qu'il est en train de nous bâtir avec son marteau puis une scie, une petite place dans le ciel, à chacun de nous. C'est qu'il dit, vous ne pouvez pas. Pierre venait juste de dire, je vais te suivre, Seigneur, je vais aller partout ce que tu vas. Tu ne peux pas, Pierre, venir. Tu vas me renier. Tu ne peux pas venir. Mais il dit, je m'en vais. Puis même que je t'ai préparé la place et que je suis revenu dans la personne du Saint-Esprit, là, tu vas pouvoir venir où ce que je suis. C'est pour ça qu'il va dire à la fin du chapitre 17, à la fin de sa prière, Père, je veux que tu, ceux que tu m'as donnés, tu les amènes avec moi lorsque je suis moi. Nous, on pense toujours en fonction, ça va venir plus tard, mais que je meurs. Mais pourtant, l'apôtre Paul nous dit que présentement, nous sommes assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Que nous avons accès au trône de la grâce. Nous nous présentons devant Dieu. Où est-ce qu'est Jésus présentement? Dans la présence de Dieu. Et si moi, je vais dans la présence de Dieu, est-ce que je ne suis pas là où ce que Jésus est? Ben oui. Ben oui. Donc, tous ces chapitres-là nous parlent de l'œuvre du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il va faire en nous? Et comment est-ce qu'il va accomplir le fait que finalement, Jésus va dire à ses disciples, « Il vous est plus avantageux que je parte et que le Saint-Esprit s'en vienne. » Et qu'on a de la misère avec ça. Il nous semble qu'on aimerait mieux avoir Jésus aux côtés de nous. Il dit non. Ça vous est avantageux que je m'en aille et que je vous envoie cet esprit. Et lui, quand il va venir en vous, vous allez faire des œuvres au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer, parce qu'il va être en vous. Il va vous amener à faire des choses que, présentement, vous n'êtes même pas capable de penser et d'imaginer. Vous n'êtes même pas capable de penser que vous allez faire ces choses-là. Mais quand il va venir habiter en vous, et qui va vous régénérer, et qui va vous transformer, et qui va vous, il va devenir, vous allez devenir sa maison, son temple. Il va habiter, on a vu, il va habiter en vous éternellement. Donc, il va venir habiter en vous, et vous allez devenir d'autres personnes, en guillemets. Vous ne serez jamais plus pareil. Puis c'est dans le même contexte, il dit à un moment donné, il dit, je ne prierai plus pour vous. Parce que vous-même, vous allez être dans la présence du Père, vous allez vous adresser au Père. Parce que le Saint-Esprit va être venu habiter en vous, et ça va changer toute l'histoire du peuple de Dieu. À partir de la venue du Saint-Esprit dans le peuple de Dieu, Ça a changé toute la façon de penser du peuple de Dieu. On a tendance à minimiser ou ne pas s'arrêter assez longtemps sur l'œuvre de l'Esprit dans le peuple de Dieu. Et c'est, en tout cas, à ma compréhension, plus grand que ce qu'on pense des fois que ça peut faire. On a vu dans les autres chapitres, dans les autres fois je suis venu, pas les autres chapitres, mais les autres fois je suis venu, si je peux vous encourager, je sais que c'est pas toujours facile, mais si je peux vous encourager, à un moment donné, quand on aura fini les 6 études, de toutes les réécouter à la suite, dans la même semaine, ou dans 2 semaines, ou dans 3 semaines, assez proche, pour que vous voyez l'ensemble global de ce qu'on a vu ensemble. Parce que des fois, si je vous demandais ce matin, qu'est-ce qu'on a vu au mois de mai, peut-être vous allez dire, je m'en souviens plus. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'ensemble pour qu'on comprenne bien l'œuvre de l'Esprit en nous. Et il y a une grande joie dans la vie du croyant de s'arrêter et de penser à ce que l'Esprit est en train de faire dans nos vies et dans la vie du peuple de Dieu et pour la gloire de Dieu. Parce que vous avez déjà entendu, hein, Dieu a planifié le salut, Christ l'a accompli ou le fait par la croix et l'Esprit nous le fait vivre. L'Esprit nous le fait vivre. Dieu l'a planifié, Christ l'a accompli. L'Esprit vient et applique tout ce qui a été accompli à la croix par Jésus-Christ. Il l'applique dans notre vie, il le rend vrai, il nous le fait vivre pour la gloire de Dieu. Le salut dans toute son entité, c'est juste l'œuvre de Dieu, c'est jamais l'œuvre de l'être humain. Sans ça, on pourrait se glorifier. Aussitôt qu'on commence à dire que ça dépend de nous, on commence à se glorifier. Mais ça dépend seulement que du Père. Donc, on a vu ensemble, dans les autres fois, je vais juste faire un petit résumé, on a vu que l'Esprit de Dieu avait fait en nous beaucoup de choses, même si on n'était même pas conscient qu'il existait. Quand vous évangélisez quelqu'un, vous ne lui dites pas, « Ben là, je sais que tu ne comprendras pas, mais l'Esprit va être là, puis il va t'aider à comprendre. » Tu vois, on ne lui dit pas ça. On ne lui dit pas. On fait juste lui dire, « Repends-toi, crois au Seigneur Jésus, et tu vas être sauvé. » Mais on ne lui dit pas, « Mais tu n'es pas capable de te repentir parce que tu es mort spirituellement. Il faut que l'Esprit vienne t'aider. » Oui, on n'en parle pas de ça. Mais même si on n'en parle pas, même s'il ne sait pas, l'Esprit va le faire pareil. Il va faire son œuvre en lui quand même. Puis le gars va se réveiller, je peux dire de même, sauvé, né de nouveau, mais il ne savait pas que c'était l'Esprit qui avait fait ça en lui. Il ne sait pas qu'il a besoin du Saint-Esprit pour comprendre ce qu'il était en train de lui dire. Il ne sait pas, lui. Mais pourtant, l'Esprit, va-tu le faire? Ben oui, il va le faire, le Saint-Esprit. Il va le faire de même toute notre vie chrétienne. Il va agir de même toute notre vie chrétienne. Même si on n'est pas conscient de tout ce qui se passe, lui est toujours à l'œuvre pour que la vie chrétienne que Dieu a préparée pour nous s'accomplisse. C'est son œuvre. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, « Ne bougez pas, ne sortez pas de Jérusalem, restez cachés dans votre trou jusqu'au jour où vous allez avoir le Saint-Esprit. » Et là, ça va enclencher. Moi, j'ai toujours émerveillé par le fait de voir cette gang d'hommes et de femmes juste là, juste quelques minutes après l'arrivée du Saint-Esprit. On dirait que c'est une autre gang. On dirait que c'est d'autres mondes. On dirait que c'est plus les mêmes personnes. On dirait, voyons, ce qui se passe. Ce qui se passe avec Pierre, ce qui se passe avec toute cette gang-là qui était cachée, qui avait peur, qui était craintif, qui ne comprenait pas trop ce qui se passait. Quelques jours avant, Pierre a dit, tu ne mourras pas, c'est pas vrai, Dieu ne veut pas ça. Et 2 jours plus loin, à cause que l'Esprit est venu, il se lève debout et il prêche. L'accomplissement des Écritures. Oh! Comment ça, Pierre, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit est venu. En lui, il avait changé sa vie, il avait régénéré. Il a emmené à comprendre ce que Jésus lui avait dit depuis 3 ans. Il a compris ce que ça voulait dire, pourquoi il était là. Et il commence à le prêcher. Donc, l'Esprit, il fait beaucoup de choses, même si on n'est pas conscient. Il ne faut pas être, moi je dirais bien ça, craintif qu'on va manquer de quoi en tant que chrétien. On ne manquera pas de quoi. C'est pas notre œuvre. L'œuvre du Saint-Esprit, il vient le faire. Quand Jésus, j'avais dit ça, je pense au mois de mai ou juin, quand Jésus est venu sur la terre, il est venu avec une mission à accomplir. Hein, on sait ça. L'a-t-il accompli? Oui. Malgré toute la rébellion humaine, il a accompli l'œuvre qu'il avait venu pour accomplir. Quand le Saint-Esprit est envoyé par Dieu, ou par Jésus, lui-ci il s'en vient dans le monde avec une œuvre à accomplir. Lui-ci il a une mission à accomplir. Va-t-il réussir à l'accomplir, ou s'il ne réussira pas? Pouvons-nous l'empêcher de l'accomplir? Non. Quand le Saint-Esprit va avoir terminé l'œuvre qu'il avait à accomplir, elle va être parfaite, il va l'avoir accompli son œuvre. L'œuvre, c'est d'appliquer le salut qui a été accompli par Jésus-Christ dans la vie de tous les élus de Dieu. Et il va le faire parfaitement. Ça va être son œuvre. Donc, on est les récepteurs de cette œuvre-là. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui vient habiter dans chacun de nous également. Il n'y en a pas plus. Moi, je n'ai pas un plus gros Saint-Esprit que vous avez. Vous n'avez pas un plus petit. C'est une personne, il vient habiter en nous. Il vient équiper de toute sa puissance, de toute sa force, de toute sa lumière, de toutes ses capacités. Il vient habiter dans chacun de nous, qu'on soit des jeunes chrétiens, qu'on soit des vieux chrétiens, qu'on soit des chrétiens de famille de chrétiens, qu'on soit des peu païens qui sortent du bois. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il vient totalement habiter en nous avec toute la force pour tout le monde pareil. C'est une personne, il ne peut pas venir avec autrement. Il va nous donner des dons différents. C'est toute la même personne, avec la même puissance, avec le même but. Il vient dans ta vie, il vient dans ma vie avec la même idée, le même but. Jésus a dit à ses disciples, vous ne pouvez pas comprendre, ça ne marche pas votre affaire. Mais il dit, quand le Saint-Esprit va être venu, il va accomplir son œuvre, il va me glorifier. Quand le Saint-Esprit va être venu dans votre vie, il va me glorifier, parce que c'est ça son œuvre. Son œuvre, ce n'est pas de nous faire sentir bien, coller des frissons. Son œuvre, c'est qu'on nous amener à glorifier le Père, parce que l'œuvre du salut, c'était pour qu'on puisse glorifier le Père. Donc, il va vous emmener à le faire. C'est son œuvre. C'est son œuvre. Donc, il vient habiter en nous, et on a vu ensemble que l'expression « être rempli de l'Esprit » peut avoir différentes définitions parmi les croyants. Et nous, j'avais expliqué ma façon de le comprendre. Quand le Saint-Esprit vient habiter dans la personne, dans une personne, être rempli, ça veut dire qu'il en a pris le contrôle. Un peu comme l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, « ne soyez pas remplis de vin ». Parce que si quelqu'un de vous ce matin serait rempli de vin, est-ce qu'on pourrait le voir? Est-ce qu'on pourrait l'entendre? Ben oui. Il y a de la misère à parler, il y a de la misère à marcher. C'est pas parce qu'il est vieux, mais c'est parce qu'il est rempli de vin. Et quand tu es rempli de vin, ça paraît. Tu commences à bouger tout de travers, tu dis des affaires, des conneries, ton char s'en va, tu croches dans le chemin, puis dans tu t'annonces, là, que tu mets des verres un après l'autre, tu vois plus, à peu près rien, puis là, tu fonds dans le derrière de l'autobus. Ça, c'est parce que tu es rempli de vin. Il dit, quand ça va être rempli de l'Esprit, quand l'Esprit va venir en vous et qu'il va vous remplir, on a vu ensemble que c'est une œuvre souveraine de Dieu. Les chrétiens ne demandent pas d'être baptisés du Saint-Esprit. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. À la Pentecôte, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est une œuvre souveraine de Dieu. C'est pas moi qui ai demandé que le Saint-Esprit vienne travailler en moi. C'est le Saint-Esprit qui est venu travailler en moi pour que je demande au Père de me sauver. Donc, il est venu travailler dans ma vie. C'est une œuvre souveraine. Et là, il vient et il me remplit de sa présence. Et là, je commence à avoir des effets dans ma vie. Tout de suite, quand il arrive, je commence à avoir des effets dans ma vie du fait que je suis rempli du Saint-Esprit. Je ne marche pas tout croche. Puis, je parle pas. Je vais jouer droit mon chemin. Je ne vais pas tout travailler avec mon auto. C'est pas ça son œuvre. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, c'est d'autres choses. Et moi, si je pourrais vous résumer ça dans une petite phrase, on va le voir peut-être l'autre fois qu'on va venir ou l'autre fois après. Quand je suis rempli de l'Esprit, je commence à dire, grâce à Dieu. Je commence à dire grâce à Dieu. Je commence à dire, ah, c'est Dieu qui a fait ça. Je commence à glorifier le Père. C'est ça, l'œuvre de l'Esprit. C'est pas de tourner mes pages dans ma Bible. C'est pas de faire du porte-à-porte. Je peux faire tout ça sans être rempli, sans que je sois un chrétien. Vous connaissez toutes sortes de mouvements religieux qui font ça. Je connais des gens, moi, qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit et qui lisent une Bible plus que vous. Plus que vous. Ils sont plus portés à des œuvres extérieures, beaucoup plus que nous, mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il va commencer à dire, c'est gloire à Dieu, c'est parce que Dieu a fait ça dans ma vie, c'est parce que Dieu est venu me chercher, c'est parce que Dieu m'a parlé, c'est parce que Dieu m'a pardonné. Il va se mettre à glorifier Dieu dans ce qu'il fait, avec ses enfants, avec sa femme, avec ses voisins, dans l'église, partout ce qu'il va être, il va commencer à dire, c'est Dieu qui a fait ça dans ma vie. Je me souviens une fois, quelqu'un, on avait arrêté de fumer, il y a deux personnes, deux dans la même parenté, ils ont arrêté de fumer, et puis ils ont dit, « Hey, comment tu as fait pour arrêter de fumer? » Ils ont demandé ça à l'autre. « Ah, ma volonté, puis j'étais capable, puis j'ai fait ça. » Il a dit, « Toi, François, comment tu as réussi? » »« Ah, Dieu m'a aidé. » Ça a arrêté toute la question, là, mais j'ai juste dit, « Dieu m'a aidé. » Pourquoi j'ai pu dire ça, puis que j'ai pas fait comme l'autre? C'est juste parce que j'étais rempli du Saint-Esprit. L'Esprit me pousse à dire, c'est Dieu qui a fait ça. C'est pas moi, c'est Dieu qui a fait ça. Et comme l'apôtre Paul qui dit, j'ai travaillé plus que vous tous, mais pas moi. C'est lui qui est en moi. C'est lui qui est en moi. Le chrétien, c'est ça qu'il fait. Il est toujours en train de tourner le regard vers Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait ça dans ma vie. Et donc, automatiquement, ça, c'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Si je ne veux pas être en train encore de résumer à midi, il m'a dit jusqu'à midi 10, ça va être de passer 10 minutes, il m'a dit. On va voir, on a vu que c'était une œuvre souveraine de Dieu, et cette œuvre souveraine de Dieu, c'est qui vient habiter en moi, et là, je suis rempli d'une personne. Et on avait vu ensemble que si je pouvais rentrer dans Martin, son épouse probablement ne le reconnaîtrait pas. Elle dirait, c'est qui ce bonhomme-là un matin? Si je pouvais rentrer, quand une autre personne, la personne de Dieu ou la personne du Saint-Esprit, rentre en moi, ben je commence à agir autrement, je commence à agir comme la personne qui est venue habiter en moi. Ça ne peut pas faire autrement. Il me régénère, il me transforme, il vient habiter en moi, donc je commence à penser, je commence à agir, je commence à voir les choses de la façon que lui le voit. Vu que je ne suis pas totalement juste ça, je suis encore dans ma chair, François, ils allaient voir la différence. Mais il y a une partie de moi qui a été transformée, et l'Esprit vit en moi, et automatiquement, il y a des choses qui se mettent à se passer, que je vais commencer à penser, à agir, à voir la vie d'un autre œil, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui habite en moi. Quelqu'un d'autre qui habite en moi. Voyons cet esprit comme une personne, pas comme une force. Comme une personne qui a une force, mais pas comme une force. Et cette personne-là qui vit en toi va te transformer, puis ça va paraître, elle va vivre en toi, elle va changer ta façon de voir la vie. Ce matin, on va voir. Qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est une grâce de Dieu. Certains pensent que ça dépend de moi si je suis rempli ou pas. Je ne suis pas de ceux-là. Je crois personnellement que c'est une grâce de Dieu d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que je mérite par ma sainteté chrétienne. Je ne sais pas si je vous avais dit, j'oublie des fois. Une fois, j'étais invité à être prêché dans une église, j'avais prêché à être rempli du Saint-Esprit. Puis comme j'avais fini, je me tasse, puis je m'en vais m'asseoir, puis en m'assisant, je réalise que ce que j'avais venu de dire n'avait pas de sens. Ça n'a pas de but, ça n'a pas de logique. Je n'ai pas dit un mot, hein? Mais ça en était chez nous. J'ai passé la semaine à reviser mes notes, à revoir cet enseignement-là. Et la semaine ensuite, je suis revenu à l'église et j'ai dit, la semaine passée, ce que je lui ai dit, ça ne marche pas. C'est pas ça que la Bible a dit. Je me suis trompé. J'ai ramené une autre façon de voir qu'est-ce que c'est être rempli du Saint-Esprit et que c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Certaines personnes disent, je vais vous lire ici des textes de certains théologiens, pour être rempli et rester rempli, ou garder le fait d'être rempli, il dit, il faut demeurer en Christ, ou se nourrir de sa parole quotidiennement, tout le temps, pour être rempli. C'est-à-dire que si j'arrête de lire ma Bible, si je suis un chrétien qui ne lit pas beaucoup, mais je ne serai pas autant rempli ou je ne serai pas du tout rempli. On va dire même qu'il a éteint l'esprit. Donc, c'est fait noir. Si vous éteignez l'esprit, fait noir. D'autres ont dit, la plénitude se maintient par une lecture de plus en plus approfondie de la parole de Dieu. Donc, je peux maintenir cette position-là d'être rempli par le fait que je vais lire de plus en plus profondément ou que je vais approfondir ma connaissance des Écritures. Et là, ça va me donner la capacité d'être rempli de plus en plus du Saint-Esprit. Il y a de la misère avec ça. Il y a de la misère parce que là, je suis en train quasiment de parler comme si c'était quelque chose et non pas quelqu'un. Si le Saint-Esprit est venu habiter en moi, puis c'est une personne, il est venu totalement en moi. Si moi je contrôle le Saint-Esprit par ma vie, là je peux être très inquiet. Ça dépend de moi, là. Et là, si je suis rempli, je peux me vanter parce que ça dépend de moi. Dans le fond, c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait quelque chose pour être rempli. Donc je peux me vanter de ce que j'ai fait pour être rempli. Mais je pense pas. Moi, je dirais plutôt, si je lis ma Bible de plus en plus, c'est parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Ça, ça a plus de sens comme ça. Là, je donne la gloire à lui. Si je comprends de mieux en mieux, parce que approfondir les Écritures de plus en plus, c'est un œuvre de l'Esprit. Je peux pas l'approfondir sans que le Saint-Esprit m'éclaire. Sans qu'il me fasse comprendre. Nul ne peut comprendre les Écritures sans que l'Esprit de Dieu lui fasse comprendre. Donc, comment est-ce que je peux dire que je me garde plein parce que je comprends les Écritures de plus en plus quand c'est cet Esprit qui fait que je comprends de plus en plus? Ça n'a pas de sens dans ma tête. Vu qu'il m'aide à comprendre ma Bible, je la lis et je comprends mieux parce que c'est lui qui m'éclaire, c'est lui qui me fait comprendre. Et automatiquement, à comprendre mieux qu'est-ce que je vais faire, bien, je vais le glorifier lui parce qu'il m'a fait comprendre. Fait que le cercle se boucle dans ce sens-là. Il me fait comprendre. Quand je comprends, je le glorifie parce que j'ai compris. Ça tourne de main tout le temps. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que ces deux messieurs-là ont dit ici. Un autre monsieur a dit, être rempli de l'Esprit, c'est l'équivalent d'être rempli de la parole de Dieu. C'est un équivalent entre les deux. Donc, on fait ce lien, ici, les trois personnes que je vais, font le lien entre les Écritures et être rempli. Mais pourtant, si c'est ça, je suis obligé de dire que le jeune croyant qui n'a jamais lu sa Bible encore, ça n'est pas rempli. Je suis obligé de dire ça. Il n'a jamais lu la Bible encore. Je suis obligé de dire, il est sauvé, mais il n'est pas rempli. Parce qu'il n'a pas commencé à lire encore. Si je fais ça, je suis obligé de dire ça. Mais pourtant, dans les actes des apôtres, c'est pas ça que je vois. Quand les gens sont sauvés, qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, ils sont remplis automatiquement et ils commencent. À cause qu'ils sont remplis, ils commencent à lire, ils commencent à écouter, ils commencent à s'asseoir au pied des apôtres pour entendre la parole, parce qu'ils ne vont pas lire dans la voie de Bible. Fait que pour savoir ce que Jésus avait dit, il fallait qu'ils s'assoient au pied des apôtres et écouter ce qu'il avait à dire. C'est pour ça qu'ils se réunissaient dans le temple tous les jours pour entendre les apôtres parler. Et là, automatiquement, ils pouvaient, par l'aide du Saint-Esprit qui était en eux, qui avait reçu à leur baptême, du Saint-Esprit. Donc, ils pouvaient comprendre ce que les apôtres disaient et là, glorifier le Seigneur de ce qu'ils avaient entendu. Un monsieur Schaeffer a dit, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut que tout péché soit confessé. Wouhou! Wouhou! Tout péché soit confessé. Il faudrait commencer par les connaître. Connaissez-vous tous les péchés que vous faites, vous autres? Même pas. Et si vous en connaissez un, si vous en voyez un dans votre vie, c'est parce que le Saint-Esprit vous l'a montré. Parce que je suis rempli du Saint-Esprit, il me fait voir mon péché. Et je vais le confesser. Mais c'est pas à cause que je confesse mon péché que je suis rempli. Ça, je pense qu'on a viré ça à l'envers quelque part, dans ma tête, à moi en tout cas. Il dit que la vie du croyant soit entièrement soumise à l'esprit et enfin qu'il vive de cet esprit instant après instant. Donc, plus je vis du Saint-Esprit, plus je suis rempli. Ça ne fait plus de sens dans ma tête parce que si je vis du Saint-Esprit, c'est parce qu'il me contrôle, c'est parce qu'il me donne la force, c'est parce qu'il me conduit. La question que je vous soumets, c'est suis-je en train de réagir à ce que cet esprit fait ou si cet esprit réagit à ce que je fais? C'est là la question. C'est-tu à cause que cet esprit travaille dans votre vie que vous commencez à agir ou bien non, c'est parce que vous agissez que lui fait quoi? Ça veut dire que c'est vous qui contrôlez l'esprit et non pas l'esprit qui vous contrôle. Parce que vous faites ou ne faites pas, vous avez un pouvoir sur le Saint-Esprit. Moi, je dis non. Je dis, le Saint-Esprit agit, puis ça a l'effet sur moi. J'entends une vérité de la parole de Dieu, soit en chant, soit en lecture, soit en écoutant une vidéo, soit à la télévision, une parole qui est dite par quelqu'un, et j'entends une vérité proclamée, qui est une vérité de Dieu, et l'Esprit qui est en moi m'amène à agir en conséquence de cette vérité-là. Mais selon les Écritures, être rempli du Saint-Esprit ou être baptisé du Saint-Esprit, c'est que l'équivalent, parce qu'aussitôt qu'il vient habiter en moi, il me baptise, en habitant en moi, il me baptise, et je suis rempli parce qu'il est là, je suis plein de lui. Fait que c'est automatique. Tu ne peux pas être baptisé sans être rempli, tu ne peux pas être rempli si tu n'as pas été baptisé. C'est automatique, ça va ensemble. Vous vous souvenez, aux Actes des Apôtres, quand le Saint-Esprit est venu pour la première fois, la Bible nous dit que le son, il est venu un grand son, puis ça l'a rempli la maison où est-ce qu'il était habité. Si j'avais rempli la maison d'eau, c'est que les gens qui étaient dedans auraient été baptisés, étaient immergés dans l'eau. Et quand c'est l'Esprit qui est venu et qui a rempli la maison où ce qu'il était, ils ont été baptisés, ils ont été remplis de la présence de l'Esprit. C'est l'Esprit est venu, il les a immergés, il les a remplis de sa présence, et là, ils ont été baptisés, et tout de suite, instantanément, ils disent, étant remplis, ils sont mis à parler en langue. Ça s'est fait automatique. Ils n'ont pas été obligés de confesser, ils n'ont pas été obligés de faire ci, ils n'ont pas été obligés de lire, ils n'ont pas été obligés de faire rien. Ils ont été baptisés, ils ont été remplis, ils ont commencé à faire leur ministère. C'était une promesse de Dieu. Cette venue du Saint-Esprit, ce baptême et le fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'était une promesse de Dieu. Dieu dit, je vais mettre mon esprit dans le cœur de mes enfants. Et quand c'était terminé, les Actes des Apôtres, Pierre se lève et dit, voici s'accomplit la promesse faite par Joël. Ce que vous venez de voir et entendre, c'était une promesse que Dieu avait faite dans le passé. C'est pas que ces gens-là ont fait quelque chose, c'est que Dieu a fait une promesse et Dieu l'a accompli cette promesse-là envers son peuple. Il dit, c'est pour ça qu'ils vont prophétiser, c'est pour ça qu'ils vont parler différentes langues, c'est pas qu'ils vont faire ci, ils vont faire ça, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Parce que Dieu a fait une promesse. C'est un engagement de Dieu. C'est parce que lui a fait une promesse que nous, on vit quelque chose ici. C'est pas à cause qu'on vit quelque chose que Dieu fait une promesse, mais il a fait une promesse et nous, on vit quelque chose. Et cette promesse-là a trouvé son accomplissement dans la personne de Jésus. Si le baptême du Saint-Esprit est une grâce, pourquoi est-ce qu'on dit, ou pourquoi est-ce qu'on pourrait penser qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est plus une grâce? Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est bien une grâce. Vous êtes d'accord avec moi, je pense, hein? Pourquoi qu'on pense qu'après, pourquoi qu'on dissocie ça pour dire, ah ben maintenant, si tu veux garder plein, si tu veux garder rempli, si tu veux stimuler le travail de l'Esprit, il faut que tu fasses des choses maintenant. Mais si je fais des choses pour avoir, c'est plus une grâce. Si je fais une œuvre, c'est plus une grâce. Donc, Si c'est une grâce d'être rempli du Saint-Esprit, personne de nous méritait cette œuvre-là en nous. automatiquement, être rempli, c'est, on est obligé de déduire que c'est la même chose. Si le baptême, c'est une grâce, être rempli, c'est une grâce. La même chose. On n'a pas mérité le premier consolateur en quoi que ce soit. Est-ce qu'on va mériter le deuxième consolateur? Non. Le deuxième consolateur aussi, c'est une grâce. C'est une grâce en vous. Nous sommes des gens qui réagissent à l'œuvre de l'Esprit en nous et non pas le contraire. La grâce de Dieu, vous avez, moi, en tout cas, c'est ma compréhension, je suis sauvé par grâce. Je suis sanctifié par grâce. Et je serai glorifié par grâce. Toute la vie chrétienne, c'est grâce à lui. Il n'y a pas de place à quelque part où moi je dis, moi j'ai quelque chose à faire, là, puis ça va dépendre de moi maintenant si ça, ça va arriver. Moi je vous dis, si ça dépend de vous, vous allez vous en glorifier, c'est automatique. Ben, vous ne serez pas honnête de glorifier quelqu'un d'autre si c'est vous qui l'avez fait. Si ça dépend de vous. Nous sommes toujours en réaction de ce que Dieu a fait. Même notre salut, c'est pareil. C'est parce qu'il est venu travailler dans votre cœur que vous avez été sauvés. Il ne travaille pas dans votre cœur parce que vous l'avez accepté, mais vous l'avez accepté parce qu'il a travaillé dans votre cœur. Vous savez ce que Jésus a dit à Nicodème, le grand théologien juif, hein? Quand il est venu le voir, il dit, Jésus lui dit, Nicodème, non, non, tu ne peux pas voir le royaume des cieux, tu ne peux même pas le voir. Encore bien moins y entrer. Il faut que je te fasse naître de nouveau pour que tu puisses le voir et y entrer. Tu ne peux même pas le voir. Comment peux-tu rentrer dans quelque chose que tu ne vois pas? Comment peux-tu ouvrir une porte que tu ne vois pas? Tu ne peux pas le voir, le royaume des cieux. Ce que tu, toi, Nicodème, tu vois, là, ce que tu vois, là, c'est pas le royaume de Dieu. Ce que tu n'es pas capable de le voir. Il faut que je te fasse naître de nouveau pour que tu puisses voir et y entrer. Donc, c'est lui qui va œuvrer dans Nicodème pour que Nicodème puisse voir et entrer dans le royaume des cieux. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Et ça, ça continue toute la vie chrétienne. Dieu agit en nous par son esprit et nous, on réagit. On réagit à Dieu. Dieu nous pousse, Dieu nous stimule, Dieu nous donne de la force, Dieu nous éclaire, Dieu nous fait comprendre, Dieu nous donne de la puissance. C'est pour ça qu'il dit, je vais vous donner une puissance et vous serez mes témoins. Il ne me donne pas de la puissance parce que je suis un témoin. Mais il me donne de la puissance et je vais être un témoin. Faut pas mettre les charrues avant le bœuf. Ouais, c'est ça. Faut pas mettre les charrues avant le bœuf, mais il faut laisser le bœuf avant la charrue. Et là, Dieu est toujours en train d'agir dans votre vie parce que vous êtes ses enfants. Il a cet esprit dans votre vie. Et vous autres, vous êtes en réaction. Vous êtes en réaction à Dieu. Et non pas l'inverse. Moi, personnellement, je crois même, je vais jusqu'à dire que c'est lui qui stimule en moi les prières qu'il veut que je prie. Et je suis obligé de lui donner de gloire pour ma vie de prière. C'est même lui qui stimule la prière. Il veut que je participe à son œuvre, et vu que je ne sais pas quoi demander, comme on dit des fois dans un passage, hein, je ne sais pas quoi demander, le Saint-Esprit va venir stimuler en moi même les prières qu'il veut que je prie pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. C'est pas mes prières qui font agir Dieu, mais c'est Dieu qui me fait agir pour que je prie et que sa gloire s'accomplisse. Hein. Et ainsi, toute notre vie chrétienne est un sujet de grâce. Et on donne à Dieu la gloire de toutes choses. Combien de fois, avant que je saisisse cette vérité-là, que je suis vanté, même en église, de ma vie de prière. Ben oui, ça venait de moi. Je me suis vanté. C'était impossible que je ne le fasse pas. Ça venait de moi. Je pensais que c'est moi qui faisais bouger Dieu par ma prière. J'ai une force, je vais prier, puis Dieu va bouger. Mais Dieu bouge dans ma vie. Et je prie sa volonté, parce que je demande, si je demande sa volonté, c'est parce qu'il m'a stimulé, il m'a fait comprendre, il m'a poussé à la désirer, et là je demande à Dieu ce qu'il veut qu'il s'accomplisse. si je demande à Dieu quelque chose en son nom, ça a-tu quelque chose à voir avec moi? Si Murray me dit à François, François, va voir Luc, demande-y en mon nom la brouette. Ça n'a rien à voir avec moi, ça. Murray veut la brouette. Moi, je demande à Luc la brouette pour Murray. Moi, je suis juste un communicateur. Moi, je suis juste un lien entre les deux. Il dit, demande en mon nom, ça veut dire que c'est moi qui veux ça. C'est moi, Jésus, qui veux ça. Demande en mon nom à Luc, on va dire c'est Dieu, là, à Luc, ce que je veux. Demande-le en mon nom. C'est pas une petite baguette magique au bout d'une prière, cela, là. Ouh, au nom de Jésus, ça va s'accomplir. Ben non. Marche pas de même, t'as fait. Mais il dit, demande en mon nom quelque chose et je vais te le donner. Donc, faut que ça soit en son nom. C'est lui qui veut ça. Pourquoi qu'on pense que nous, si on veut de quoi, on va lui demander, il va nous donner. C'est pas tout à fait de même. C'est pour ça qu'une grande partie de nos requêtes de prière, on n'a pas de réponse. C'est nos plans, c'est nos projets, c'est nos visions, c'est nos ambitions, c'est nos désirs à nous autres, puis ça ne s'accomplit pas. Mais si on prie en son nom, si on prie en son nom, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Ils allaient prier en mon nom. Pourquoi ils allaient prier en mon nom? Parce que cet esprit va être en vous. Cet esprit va stimuler en vous des choses que le Père veut faire. Et vous allez demander en mon nom ce que vous voulez, et je vais le faire, parce que c'est moi qui vais l'avoir stimulé en vous, ça. C'est une grâce de Dieu. On a chanté ça tout à l'heure. Vive dans la grâce. Dans la grâce, ça veut dire, j'ai fait rien. C'est Dieu qui a fait quelque chose en moi. C'est pour ça que c'est une grâce. Si je fais de quoi pour mériter quelque chose de Dieu, ce n'est plus une grâce. C'est ce que Paul dit. C'est un œuvre, et si j'ai fait d'un œuvre pour l'avoir, c'est plus une grâce. Je ne sais pas si c'est nouveau pour vous, si c'est quelque chose que vous avez vu qui était comme, je n'avais pas pensé ça, je n'avais pas vu ça comme ça. Souvent, on a pensé, on s'est fait dire, j'ai enseigné dans le passé, peut-être que je l'ai même enseigné ici, pardonnez-moi si j'ai enseigné ça ici il y a 15-20 ans. Je mélangeais à être rempli d'esprit avec éteindre l'esprit et attrister l'esprit. Qui connaît l'expression « éteindre l'esprit » ? Tout le monde connaît ça, vous avez tout entendu ça quelque part. Dans quel livre que c'est de la Bible? C'est dans les Épîtres. Oui, c'est bon, dans les Épîtres. On connaît l'expression, mais on a de la misère à la situer où, hein? C'est dans Thessaloniciens. Dans quel contexte que c'est? Qu'est-ce que Paul est en train de parler aux Thessaloniciens pour qu'ils leur disent de ne pas éteindre l'esprit? On ne sait pas. Mais on pense qu'éteindre l'esprit, c'est à cause qu'on fait des péchés qu'on éteint l'esprit. C'est ce qu'on pense en général. Fait que là, il nous dit, si tu as éteint l'esprit à cause que tu as fait des péchés, tu peux le rallumer en les confessant, en les réglant. Mais ça a une logique, là. Si c'est mes péchés qui éteignent l'esprit, mais est-ce que mes péchés ont ce pouvoir-là, en tant que chrétien? Dans ma vie chrétienne, est-ce que mes péchés éteignent l'esprit? C'est pas ça que le texte est en train de parler, du moins. J'ai attristé ma mère bien souvent dans ma vie. Mais elle n'a jamais arrêté d'être ma mère puis jouer son rôle de mère. Ce n'est pas à cause que j'attriste l'esprit en faisant le contraire de ce qu'il m'a demandé qu'il arrête de fonctionner. Il continue à fonctionner. Et qu'est-ce qu'il fait quand je l'attriste? Il vient, il travaille en moi puis me convainc que ce que j'ai fait est mal. Et là, je vais virer de bord puis je vais confesser, je vais demander pardon. Mais s'il arrêtait de travailler, tout d'un coup, c'est que je reste là puis je ne fais plus rien parce que je ne suis capable de rien faire sans lui. Il ne peut pas rien faire sans lui. Donc, s'il serait éteint et qu'il ne serait plus fonctionnel, parce qu'une lumière éteinte n'est plus fonctionnelle. Une lumière éteinte ne peut plus t'éclairer. Si j'éteins l'esprit et qu'il ne peut plus m'éclairer, comment je vais fonctionner? Avec quelle force est-ce que je vais confesser? Avec quelle force est-ce que je vais reconnaître que j'ai péché? Avec quelle intelligence que je vais voir que ce que j'ai fait est mal si l'esprit ne fonctionne plus? Lui, il ne doit pas arrêter de fonctionner pour me montrer que j'ai péché, pour me donner la force de confesser, pour que je me repente et que je continue à avancer. Il faut que lui fonctionne, même si moi je ne fonctionne pas. C'est être rempli Puis éteindre, ce n'est pas la même chose. Être empli, c'est éternel. Je ferai ça éternellement en vous. On l'a lu tout à l'heure dans le chant 14. J'habiterai éternellement, je vais faire l'œuvre. L'Esprit va habiter éternellement en vous. Je ne crois pas que nous, on a le pouvoir de l'éteindre. Il est bien plus fort que nous. Bien plus fort que nous. Mais on l'éteint dans le sens, dans le contexte, c'est qu'il dit, n'éteignez pas l'Esprit, mais plutôt. Mais au contraire, comment est-ce qu'il dit ça? Mais au contraire, écoutez toutes choses, retenez ce qui est bien et discardez ce qui n'est pas bien. Il dit, n'éteignez pas l'Esprit, mais au contraire, écoutez tout ce qu'ils vont vous dire les anciens ou les prophètes dans l'Église. Et discernez ce qui est bien et garde-le, ce qui est mal, mettez-le de côté. Le texte est en train de parler que ce qui se passait dans Thessalonique, c'est que les chrétiens étaient comme troublés par l'enseignement qu'ils entendaient, qui était contradictoire. Et ils ont dit, on ne veut plus m'entendre parler, taisez-vous, faites rien, parlez pas, on veut rien savoir. Mais si vous faites ça, vous éteignez l'esprit. Aujourd'hui, ce que je ferais, là, c'est que tu fermerais tes oreilles, tu fermerais ton corps, tu fermerais ta bite, tu fermerais tout, tu te dis, je ne veux plus entendre jamais parler de la parole de Dieu. Parce que ça me trouble. Mais comment est-ce que l'esprit va te parler? Si tu éteins la, si tu t'exposes plus à la vérité. C'est ça qu'il est en train de dire dans tout ce livre. Il dit, si vous faites taire les prophètes qui vous parlent de la parole de Dieu, comment est-ce que vous allez connaître la vérité? Au contraire, écoutez tout ce qu'ils vont vous dire et discernez ce qui est bien, gardez-le. Ce qui n'est pas bien, mettez-le de côté. Mais il dit, arrêtez de ne pas parler, vous ne pourrez plus savoir ce que Dieu va vous dire si vous faites taire les prophètes. Ce qu'il est en train de leur dire dans le texte, c'est pas en train de leur dire, attention à vos péchés dans votre vie, là. Mais moi, je vous garantis, pour moi, en tout cas, c'est pas pour vous autres, mais pour moi, si c'était à chaque fois que je pêche, il est toujours éteint. On dit, tout le monde dit, oh, on pêche plusieurs fois, par jour, on pêche à tous les jours, Mais pourtant, ça a toujours éteint si le péché ferait ça. Fait qu'on l'éteindrait, on arrêterait, on confesserait, il s'allumait, il s'éteindrait, on confesserait, il s'allumait. Ah, ça serait un jeu de tic-tac-toe, là. Un yo-yo, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne à ma compréhension. L'esprit est en fonction en moi, toujours. Et si je tentais de vouloir prendre une décision qui n'est pas correcte, par les Écritures que j'apprends, que j'entends, que je lis, ils vont me convaincre, « Oh, François, ce que tu es en train de faire, c'est pas correct. Oh, » ça peut prendre des fois une heure, deux jours, une semaine. Ils vont me convaincre. Mais si je ne m'expose pas à la vérité jamais, comment je vais savoir? Parce que l'épée de l'esprit, c'est quoi? La parole. C'est la seule chose qu'il y a. Si j'enlève la parole, il n'y a pas d'épée. C'est son épée, ça. Lui, il ne l'a plus. Je ne m'expose plus à la vérité. Donc, il faut que je m'expose à la vérité de façon quelconque. Là, je parle peut-être parler de la forme. Je parle du principe absolu. Que le chrétien qui s'expose à la lumière ou s'expose à la vérité, l'Esprit Saint utilise ça. Et là, il agit dans le cœur du croyant. Donc, il dit, laissez-vous exposer à ce que les prophètes ont à dire. Et l'Esprit va vous aider à discerner ce qui est bien. Puis, ce qui n'est pas bien, mettez ça de côté. Donc, mélangeons pas éteindre l'esprit, attrister l'esprit, parce que dans le contexte d'attrister l'esprit, c'est dans Galates, où est-ce qu'il passe, l'esprit va vous dire, ne pêche pas François, ne mens pas François. François ment pareil, il va attrister l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit fait? Il va le convaincre que ce qu'il a fait est mal. François va finir par dire, oh, c'est correct, c'est pas correct ce que j'ai fait là. Pardonne-moi Seigneur. Puis on va continuer. Il n'arrête pas de fonctionner, lui, là. Si ça n'arrête pas de fonctionner, moi, je ne ferai plus rien. Parce que je ne peux pas rien faire avec ma chair. Je ne peux pas rien faire. Ça me prend l'aide du Saint-Esprit. C'est comme si je viderais ma tank de gaz. J'ai plus de gaz dans ma Mustang. Ah ben, je vais passer la semaine avec vous autres. C'est ça? Si j'ai plus du Saint-Esprit, comment je vais faire fonctionner? Je ne peux pas fonctionner. Si je dis ça, ça veut dire que je peux vivre ma vie chrétienne sans Saint-Esprit. Et là, on a un problème. Un sérieux problème. Si Saint-Esprit est en vous et qui est éteint, ou qui est attristé, ou que vous êtes plus rempli et que vous fonctionnez seulement que par vous-même, moi je vous dis, vous êtes dans le champ de patates en bout de 5 minutes. Vous n'êtes pas capable de fonctionner sans lui. C'est juste lui qui peut vous faire fonctionner. Et c'est pour ça que quand on va arriver dans sa présence éternelle, on va lui dire, à toi la gloire pour tout ce qui s'est passé dans notre vie. À toi la gloire. Je ne pourrais pas dire, oh Seigneur, une chance que moi je lisais ma Bible à tous les jours, je ne suis pas comme les autres chrétiens, moi. Moi, je lisais ma Bible. Seigneur, c'est pour ça que je n'ai eu temps. Ah, Seigneur, moi, c'est parce que j'ai donné beaucoup d'offrandes. Parce que c'est pour ça que j'aurai une bonne place ici, là. J'ai donné beaucoup d'offrandes, moi. J'ai beaucoup évangélisé dans ma vie. J'ai fait du porte-à-porte, tu sais. Puis, Seigneur, c'est pour ça que tu vas me récompenser, hein. Ça, c'est, ça marche plus, là. À quelque part, ça marche pas, là. Je suis en train de parler de moi. Moi, je vous garantis, frère et soeur, peu importe qui vous êtes, hein, si vous êtes un enfant de Dieu, quand vous allez arriver au ciel avec moi, là, vous allez arrêter de parler de vous. Ça va être la dernière fois à traverser en porte et aller parler de vous autres. En rendu l'autre bord, vous allez parler juste de lui. Juste de lui. Jamais de vous. Jamais de vous. C'est pour ça que des fois, quand on parle de la vie chrétienne, on chante, on fait des affaires. Parlons pas trop souvent du jeu. Parlons pas trop souvent du jeu. Parlons de lui. Parlons de lui de ce qu'il fait. Parlons de lui qu'est-ce qu'il va faire. Parlons de lui, ça va le glorifier, ça va l'exalter. Du jeu, je vous dis, mais regardez les anciens hymnes des années 1700, 1800, 1900. Les anciens hymnes parlaient en grande partie de toujours juste de Dieu. Et à partir du 1960, 1975, les chants chrétiens parlent plus souvent du « je » que de Dieu. « Je t'aime ». Dans les vieux chants, c'est « Il nous aime ». Il nous aime tellement. Son amour est tellement grand. C'est vrai qu'on l'aime. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Donc, être rempli de l'Esprit, c'est une grâce de Dieu. Souverainement, il m'a donné l'Esprit, il m'a baptisé, souverainement, il m'a rempli. Et cet acte souverain de Dieu est immuable, est inchangeable, elle ne varie pas en rien. Elle va œuvrer en moi toute ma vie chrétienne et pour l'éternité. Elle va accomplir en moi son œuvre, cet Esprit-là. De régénération, de sanctification, de glorification. Elle va tout accomplir ça en moi. Et quand je vais arriver l'autre bord, je vais dire, gloire à toi, Seigneur, pour le salut que tu as accompli en moi. Gloire à toi. Sans toi, je ne savais pas quoi prier. Sans toi, je n'avais aucune force. Sans toi, je ne pouvais pas obéir. Sans toi, je ne pouvais pas voir. Sans toi, je ne pouvais pas comprendre. Sans toi, je ne pouvais pas confesser. Sans toi, je ne pouvais rien faire, Seigneur. Je te donne toute la gloire qui te revient. L'œuvre de l'Esprit en vous et moi, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et si vous lisez les Actes des Apôtres et prenez le temps de regarder, c'est là qu'on parle le plus souvent d'être rempli de l'Esprit. Regardez en même temps la vie de ces hommes et de ces femmes. Elle est-elle meilleure que la vôtre? Non. C'est des hommes comme nous, des êtres sauvés par grâce, pécheurs. On voit des divisions, on voit des querelles, on voit des chicanes, on voit des... même Paul et Barnabas sont même plus capables de se sentir, sans moi chacun sur le bord. Puis ça me fait-tu penser à moi, ça? Je glorifie pas ça, là. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, c'est pas grave si on fait ça. Non, non. Je vous dis que Dieu a accompli les actes des apôtres, de 30 ans là, malgré la faiblesse de ces hommes et de ces femmes. C'est pour ça qu'on dit gloire à Dieu pour les actes des apôtres. C'est pas gloire à Pierre. Pierre, brrr. Grand gueule qui disait n'importe quoi. Non, oui, c'est vrai qu'il t'apparaît comme moi. T'apparaît comme vous. Un homme pécheur. Mais Dieu a accompli son œuvre totalement, parfaitement, pendant ces 30-40 ans-là qu'on a décrit. Mais je vous dis qu'il a continué pendant 2000 ans encore, on est rendu aujourd'hui. C'est encore lui, malgré nos faiblesses, malgré nos manques, malgré nos chicanes, malgré nos divisions. Si vous lisez l'histoire de l'Église, vous allez être découragé. Si vous regardez les hommes, vous allez dire, mais comment est-ce que Dieu a pu faire pour continuer jusqu'à aujourd'hui? Malgré tout ce qui s'est passé parmi nous, Dieu est encore là, en train de sauver des gens, en train de se glorifier, en train de s'exalter. Et on est obligé de dire, ouais. Moi, j'ai l'autre fois quelqu'un qui parlait de Martin Luther. Tu sais, Martin Luther, le moine qui s'est converti. Il en parlait, puis je disais, mon ami, j'ai dit, t'en parles quasiment comme si c'était un saint. Lis donc sa vie, tu vas voir que c'était pas si beau que ça. Il était saint, pareil. Toi, j'ai mis guillemets. Saint dans le sens qu'on parlait catholique, qui ne fait pas rien de mal. Mais non, c'est un homme pécheur comme vous et moi. Puis si vous regardez sa doctrine, mes frères et sœurs, vous allez voir que vous n'êtes pas tous d'accord avec ce qu'il dit. Jusqu'à la fin de sa vie, il baptisait les enfants. Jusqu'à la fin de sa vie, il croyait qu'au repas du Seigneur, c'est pour ça quelque chose de spirituel, de pas de consubstantiation, mais il appelait ça de transsubstantiation. Ou plus non, c'est le contraire. Lui croyait que quand tu connais les éléments du repas du Seigneur, tu recevais une grâce. On n'est pas d'accord avec ça, nous autres. On fait juste se rappeler. Donc, ce n'est pas à cause qu'il était imparfait dans sa doctrine que Dieu ne l'a pas utilisé. Voyons donc. Dieu a bâti son Église malgré les faiblesses, les manques de Martin Luther, de Jean Calvin, de tous ces grands hommes-là. Tous ces grands hommes-là. Vous avez regardé Paul, Moïse, David. Vous l'avez déjà dit une fois. J'amène tous les grands hommes de l'Ancien Testament puis vous les refusez comme pasteur ici. Il va arriver avec ses 1000 femmes sur le monde, allez-vous le prendre? David arrive avec ses 12 femmes, allez-vous le prendre? Abraham arrive avec ses 8 femmes, allez-vous le prendre? Il dit, oh non, mari d'une seule femme? Oh non, pas pasteur ici, Paul. Si David arrive puis vous apprenez que votre pasteur a tué quelqu'un cette semaine, ou a fait tuer quelqu'un, oh, en discipline, d'or. Oh. Pourtant, David le fait. Homme selon mon cœur, dit Dieu. Dieu a accompli son œuvre parmi ou à travers tous ces hommes-là. Je ne suis pas en train de vouloir dire que ce n'est pas grave ce qu'ils ont fait de mal. Non, c'était mal. Mal, c'est mal. Ce qui était mal pour nous, c'était mal. Vous avez pensé à ça? Que Salomon, là, avec ses 1000 femmes, là, il péchait contre Dieu jour après jour. Juste dans ce domaine-là, là. J'ai une femme de tous les deux jours, il y avait une nouvelle femme dans son lit. C'était pas ses femmes, selon Dieu. Mais pourtant, Dieu dit que c'était l'homme le plus sage de la terre. Ça veut dire ce quoi? On donne gloire à Dieu pour ce que Salomon a fait et non pas à Salomon. On donne gloire à Dieu pour David et non pas à David. On donne gloire à Dieu pour ce qu'Abraham a fait et non pas à Abraham. Parce que c'est des hommes pervertis, pareil comme nous. Méchants, pareil comme nous. Pécheurs, pareil comme nous. Mais vivant par la grâce de Dieu, par la puissance de l'Esprit que Dieu voulait qu'ils fassent, ils ont accompli l'œuvre qu'ils voulaient, et le Messie est né, quand il devait naître, à la bonne place, au bon moment, il a accompli son œuvre par la grâce de Dieu, par la puissance de l'Esprit. Et c'est ça qu'il est en train de faire aujourd'hui dans notre vie aussi. Être rempli de l'Esprit, c'est pas quelque chose que vous devez mériter, c'est quelque chose qui vous est accordé à cause de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Ainsi s'accomplissait la promesse que Dieu avait faite. Je vais mettre mon esprit dans le cœur de mes enfants. Jésus, en me sauvant, Dieu a mis son esprit en moi. Et cet esprit-là œuvre en moi depuis ce temps-là. Prions ensemble. Notre Père du ciel, pourquoi est-ce que nous te disons merci? C'est parce que c'est une grâce. Pourquoi je devrais dire merci pour quelque chose que c'est moi qui l'ai mérité? Mais tu nous as baptisés du Saint-Esprit, tu nous as remplis de ta présence. Nous sommes devenus ta maison, nous sommes devenus ton temple, le temple du Saint-Esprit. Et cet Esprit qui est en nous accomplit l'œuvre. L'œuvre de régénération, l'œuvre de sanctification, l'œuvre de nous illuminer, l'œuvre de nous donner la force, la sagesse de prier les bonnes choses. C'est lui qui conduit son peuple. Christ est notre tête. Si je peux employer l'exemple, cet esprit, c'est le sang qui coule dans chacun de nous pour faire ce que la tête veut qu'on fasse. Glorifie-toi, Seigneur, en nous. Glorifie-toi par nous, dans le monde dans lequel nous vivons. Et de nous d'accomplir cette œuvre que l'Esprit, de lui obéir quand il veut nous guider, qu'il veut nous instruire, qu'il veut nous conduire, afin qu'on puisse dire, comme on parlait tout à l'heure, c'est Dieu qui a fait ça en moi. C'est par sa grâce que j'ai accompli cela. Béni sois-tu jusque dans l'éternité. Amen.